Chapitre 189. Le mérite d'accomplir la salat à la mosquée. 1053. Selon Abu Hurayra, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Allah prépare à celui qui se rend à la mosquée le matin ou le soir un accueil au paradis chaque fois qu'il s'y rend le matin ou le soir. Al-Bukhari et Muslim. 1054. Selon Abu Hurayra, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Celui qui se purifie chez lui, puis se dirige vers l'une des maisons d'Allah, la mosquée, pour accomplir l'une des prières obligatoires prescrites par Allah, verra l'un de ses pas lui effacer un péché et l'autre l'élever en degré. Muslim. 1055. Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, relate: Personne, à ma connaissance, n'habitait plus loin de la mosquée qu'un des émigrés, Ansar, qui pourtant ne ratait aucune salat. On lui conseilla: « Pourquoi n'achètes-tu pas un âne que tu pourrais utiliser dans l'obscurité de la nuit et par grande chaleur ?» Il dit: « Je n'aimerais pas que ma maison soit près de la mosquée, car je souhaite que mes pas, en allant et en revenant de la mosquée, me soient inscrits comme bonnes actions. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors: « Allah t'a accordé tout cela à la fois. » Muslim. 1056. Jabir, radiyallahu anhu, relate: Une terre proche de la mosquée se libéra. Le clan des Bani Salima décida alors de l'acquérir pour se rapprocher de la mosquée, ce qui parvint aux oreilles du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui leur dit: J'ai appris que vous projetez de vous établir à proximité de la mosquée. En effet, ô messager d'Allah, reconnurent-ils. Ô Bani Salima, leur dit-il, alayhi salatu wassalam, conservez vos maisons afin que les traces de vos pas en direction de la mosquée vous soient inscrites, le répétant à deux reprises. Si nous nous étions installés près de la mosquée, nous le regretterions aujourd'hui, avouèrent-ils. Muslim. Al-Bukhari rapporte un hadith identique d'après Anas. 1057. D'après Abu Musa, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: L'homme dont la salat est la plus récompensée est celui qui marche le plus pour s'y rendre, puis chacun en fonction de son éloignement de la mosquée. Celui qui attend l'heure de la prière du Isha pour l'accomplir avec l'imam est mieux rétribué que celui qui prie seul, puis va dormir. Al-Bukhari et Muslim. 1058. D'après Buraïda, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: Annoncez à ceux qui marchent vers les mosquées dans l'obscurité de la nuit, pour le Sobh et le Isha, qu'ils auront le jour de la résurrection une lumière éclatante. Abu Daoud et At-Tirmidhi. 1059. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Voulez-vous que je vous indique des œuvres par lesquelles Allah efface vos péchés et vous élève en degré? Oui, ô messager d'Allah, répondirent les compagnons. Il dit, alayhi salatu wassalam, effectuez les ablutions avec soin malgré les désagréments, multipliez les pas vers la mosquée et attendre la prière suivante, ceci équivaut à monter la garde pour protéger les musulmans de l'ennemi. Muslim. 1060. Selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: Lorsque vous voyez un homme fréquenter la mosquée, témoignez qu'il est croyant. Allah Azza wa Jal dit en effet: Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier. Sourate 9, verset 18. At-Tirmidhi a dit: Hadith Hassan. Note: La plupart des savants estiment que ce hadith est faible. Hadith jugé faible par Sheikh Al-Albani. Rahimahullah.